tout de suite. Bonne soirée avec StudiacWeb. Il est 17h, dans quelques minutes je vous retrouve l'équipe du GPS sur StudiacWeb. StudiacWeb, les infos. Les informations présentées par Tony Boulanger. Bonjour Tony. Bonjour Romain, bonjour à tous. L'enquête se poursuit à Marseille après l'effondrement des deux immeubles. Les secours recherchent encore d'éventuelles victimes sous les décombres. D'après le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, un des deux immeubles était fermé pour cause d'insalubrité. L'écroulement a fait au moins deux blessés légers parmi des passants. Mais dans le second bâtiment, 9 appartements sur 12 étaient habités. Un autre immeuble proche des deux édifices qui se sont écroulés risque également de s'effondrer. Les recherches sont donc ralenties. Gérard Collomb, de nouveau maire de Lyon, il a obtenu 41 voix sur 73. Son prédécesseur, Georges Képénékian, avait démissionné pour lui laisser sa place. Gérard Collomb a quitté son poste de ministre de l'Intérieur le 2 octobre dernier. Il s'est exprimé affirmant devoir cette victoire à son prédécesseur, Georges Képénékian. Sur les 49 suffrages exprimés, 13 élus ont choisi l'abstention, 10 bulletins blancs ont été comptabilisés. Les enquêtes se poursuivent après le crash d'un avion en Indonésie la semaine dernière. L'appareil de la compagnie indonésienne Lion Air s'est abîmé en mer. L'avion avait un indicateur de vitesse défectueux sur ses 4 derniers vols. 189 personnes ont disparu durant ce crash. Seuls 14 individus ont été identifiés grâce aux recherches ADN. Sébastien Josse a perdu ce matin une partie de son flotteur lors de la route du Rhum. Il navigue donc à allure réduite, un gros dégât qui survient avant la tempête de demain. François Gabart tient toujours la tête de la course. Derrière lui, à 40 km, Armel Lecléac est revenu dans la compétition après un arrêt d'une demi-heure hier soir pour une réparation technique mineure. Côté météo, le ciel est très nuageux aujourd'hui à l'ouest. De rares éclaircies font leur apparition à l'est. Les températures sont en hausse, il fait entre 11 et 19 degrés, il fait 18 degrés à Nice, 16 degrés à La Rochelle, 19 degrés à Paris et 17 degrés à Rouen. C'est la fin de ce flash, retrouvez Rémi Farré et toute son équipe dans le Drive sur StudiacWeb. Merci Tony, le prochain rendez-vous avec l'info sur StudiacWeb, c'est dans un peu moins de 20 minutes. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signalé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Circulez. Qui de mieux que Dove, Rémi et Romain pour te raccompagner chez toi? Du lundi au jeudi de 17h à 18h, tout roule dans le GPS sur StudiacWeb. Bonjour, merci d'avoir choisi le Grand Prime Studec, le GPS, pour vous accompagner jusqu'à 18h, où que vous soyez. Vous êtes peut-être sur le point de démarrer votre voiture, vous allumez le poste à cette heure-ci et vous vous demandez sur quelle émission vous êtes tombé. Eh bien, une toute nouvelle émission, et alors de quoi vont-ils parler? Bah de tout ce qui vous intéresse et concerne, et pour ça, vous imaginez bien que seul c'est un peu compliqué. Autour de la table, Dove et Romain, bonjour. Et salut tout le monde, salut Rémi. Salut Rémi, salut tout le monde. Jouer, découvrir et surtout nous replonger dans nos souvenirs. Et puis Thomas Sellière, bonjour. Bonjour Rémi. Notre confrère de la rédaction de StudiacWeb qui vous donnera en temps réel l'état de la circulation sur les routes. Le GPS à vos côtés, c'est aussi de l'info et de la musique. Moi, j'adore, mais c'est pas ce que vous préférez, pas de souci, on a aussi ça pour vous. La musique que vous aimez et des cadeaux à gagner, c'est avec le jeu de la marche arrière dans le GPS, tout de suite sur StudiacWeb. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur StudiacWeb. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Ça y est, il est grand temps de jouer pour tenter de remporter un pack StudiacWeb et une visite des locaux en prime. Tout ça se passe avec Romain, dis-nous tout. Alors, avant de jouer, je vais vous expliquer un peu le principe, parce que bon, c'est vrai que jouer sans notice a toujours été compliqué. Tout au long de l'émission, je vais vous donner des indices et grâce à eux, il faudra deviner une année bien particulière. Exemple, si je vous dis premier pas de l'homme sur la lune, Eddy Merckx qui remporte le Tour de France, la sortie du single Champs-Élysées de Joe Dassin, vous me dites 1969, et bah c'est gagné. Bravo, j'espère avoir été assez clair. Alors, durant l'année que nous recherchons, est sorti ça au cinéma. Comment ça marche ce matériel de merde? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qui c'est qui? Tiens, vers moi. Patron, ils m'ont repéré. Qu'est-ce que je dois faire?

Les shonen pantsu sont destinés à un public jeune et féminin. C'est souvent l'histoire d'un jeune homme entouré de filles qui tombe amoureuse de lui. C'est très cliché, hein. Et dans le même genre, mais généralement pour garçons, il y a les shonen neketsu. Ce sont les plus connus avec des mangas comme Dragon Ball, Naruto et One Piece. On y trouve un jeune héros qui décide de devenir le meilleur dans son domaine. Il est entouré d'amis clichés, comme son meilleur pote au passé sombre et triste, le mec nul, la femme carrément canon, tout ça, tout ça. Le plus important dans ces mangas, ce sont les valeurs qui sont transmises. Le courage, l'amitié, la persévérance et le dépassement de soi. C'est toutes ces choses qui nous font vibrer et adorer les mangas. L'histoire de Kuroko no Basket commence au lycée Seirin, petit lycée de la capitale nippone. C'est Tetsuya Kuroko arrive en seconde et s'inscrit au club de basket. Il a l'apparence chétive et ne sait apparemment pas bien jouer. Il ne sait ni dribbler, ni shooter, mais cache un secret que ses amis ne vont pas tarder à découvrir. Il vient du collège Teiko, un collège réputé pour avoir le meilleur club de basket du pays. Il a accueilli 5 génies comme on en voit une fois tous les 10 ans et qui a été connu sous le nom de Génération Miracle. Toutefois, il y avait une rumeur sur cette équipe qui contiendrait un 6e joueur tout aussi prodigieux mais que personne n'aurait jamais vu. Ce 6e joueur, c'est Kuroko, le joueur fantôme. Son talent réside en fait dans les passes et dans sa capacité à se faire oublier sur le terrain, donnant l'impression qu'il n'y a plus que 4 joueurs dans l'équipe. C'est impressionnant et personne ne peut l'arrêter. Maintenant, ces 6 prodiges sont tous dans des lycées différents et s'affronteront lors du tournoi des lycées. Dans le club de Seirin, il y a aussi un nouveau venu en la personne de Taiga Kagami, un prodige avec un talent inné et destructeur de la même trempe que la Génération Miracle. Ils ont chacun un rêve, celui de Kagami est de devenir le meilleur joueur du Japon, pour ça il lui faudra surpasser les joueurs de la Génération Miracle, et le rêve de Kuroko est de battre ses anciens coéquipiers, pour leur prouver que le jeu en équipe est bien plus plaisant que leur talent individuel. Ensemble, ils vont avancer et progresser jusqu'à enfin se retrouver face à face avec tous ces grands joueurs, et savourons que ce qu'ils désirent avant tout, c'est de faire de leur équipe la meilleure du Japon. Merci Dov, mais je vais pas te cacher que je suis plutôt roman, moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je peux faire quelque chose pour vous ? Oui, j'ai une envie de vinyle. Ah, vous avez frappé à la bonne porte. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. George Michael a une très grande carrière, Dov, et tu reviens sur ses plus grands succès. Oui, d'ailleurs son vrai nom est Georgios Kyriakos Panayiotou. C'est là qu'on comprend que George Michael était bien plus adapté à une carrière. Petit retour sur sa vie. Il est né le 25 juin 1963 à Londres. Son père était restaurateur, sa mère danseuse. À l'adolescence, avec des camarades de lycée, il chante dans le métro des chansons qu'il a lui-même écrites. Au début des années 80, avec Andrew Ridgeley, il fonde le groupe Wham. Très vite, il séduit un large public et publie plusieurs tubes, dont Wake Me Up Before You Go Go en 1984. La même année, George Michael enregistre une chanson en solo, Careless Whisper, qui reste un de ses titres les plus connus. George Michael souhaitant évoluer vers un genre davantage soul et funk, le duo se sépare en 1986 au regret des fans. Il est propulsé au rang de star planétaire en 1987 avec son premier album, Face, vendu à plusieurs millions d'exemplaires, dans lequel il décroche un Grammy Award de l'album de l'année. On trouve dans cet album le fameux « I Want Your Sex ». Son deuxième album n'a pas un grand succès et le chanteur décide d'opérer un tournant pour son troisième album, Order, sorti en 1996 avec des sonorités jazz et R&B. En 1998, après avoir été arrêté pour atteinte à la pudeur dans des toilettes publiques à Beverly Hills, il choisit d'assumer publiquement son homosexualité. Il poursuit sa carrière internationale et publie un disque de reprise en 1999, Songs from the Last Century, aidé par le producteur Phil Wellman. Le disque reçoit un très bon accueil. En 2005, le chanteur participe à un documentaire sur son parcours, George Michael, Mon Histoire, réalisé par Suzanne Morris. Sa popularité ne faiblit pas et il retrouve la scène après une longue tournée entre 2006 et 2008 pour fêter ses 25 ans de carrière solo. En 2010, il est arrêté pour conduite sous l'emprise de drogue. Le chanteur plaide coupable et effectue un mois de prison. Il revient sur le devant de la scène en 2011 avec une nouvelle tournée, Symphonica Tour 2011, accompagnée par un orchestre symphonique. Cette tournée est interrompue car le chanteur souffre d'une pneumonie qui lui vaut un mois d'hospitalisation. Heureusement pour les fans, l'album live de la tournée Symphonica sort en 2014. Concernant sa vie privée, George Michael rencontre au début des années 90 le créateur brésilien Anselmo Felipa. Mais atteint du sida, ce dernier meurt brutalement en 1993. Le chanteur rencontre ensuite Kenneth Goss en 1996 et se sépare plus de 10 ans plus tard en 2009. Le chanteur annonce leur rupture bien après lors de sa tournée Symphonica Tour. Il rencontre enfin Fadi Vawaz, un coiffeur réputé dans le milieu de la mode. Il est retrouvé mort par son compagnon le 25 décembre 2016 à son domicile situé à Gorin près de Londres. Il avait 53 ans. Careless Whisper, peut-être son plus grand titre, est sorti en 1984. Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. But it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend. Waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Web, très jolie chanson, c'est la musique de Slow par excellence. Merci Dove pour cette découverte ou redécouverte de la vie de cet artiste. À avec suivre, plaisir. Dans moins de 2 minutes, le retour de l'info, mais aussi la route avec l'infotrafic, bouchons, accidents, perturbations. Vous n'hésitez pas à nous faire part de tout ce que vous constatez d'anormal sur les axes de circulation. Vous êtes nos yeux et nous sommes vos oreilles. Pour ça, vous avez la possibilité de vous rendre sur la page Facebook de Studec Web, de commenter et de partager avec nous tout ce à quoi vous êtes confrontés. Sur Facebook, on a un conseil. On vous conseille notamment en montagne de vous équiper. Pensez que les équipements sont obligatoires. Si vous êtes concerné, soyez extrêmement vigilant. Vous l'avez compris, on attend tous vos petits messages sur la page Facebook Studec Web. Retrouvez le meilleur laboratoire radiophonique de France. Viens manier des éprouvettes d'humour, des potions de folie et mélange-les à ta personnalité. Le Studio École de France est un vrai labo radio où sont formés des animateurs et animatrices. Des techniciens. Mais aussi des journalistes. Alors si tu aimes l'actualité et que tu veux la décrypter, rejoins-nous. Studio École de France, 145 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux. 01 46 20 31 31. Et toi, repose cette fiole de blagues lourdes. Oh, mais j'ai jamais le droit aussi. Et vous pouvez aussi nous rejoindre, je vous le disais, sur la page Facebook de Studec Web. Vous commentez, vous partagez toutes vos infos pratiques aussi, pourquoi pas, ça nous intéresse. comme l'a fait à l'instant Julie, hein, qui nous disait que la neige est bien tombée dans les Pyrénées et que pour cela, les équipements sont obligatoires. Ça commence à tomber. On aura peut-être à Paris, j'espère pas. Non, moi non plus. L'année dernière, ça a été le c'était le un foutoir, c'était un foutoir, on peut le dire, on peut le dire. Et donc, elle conseille de se renseigner notamment auprès des préfectures. Ou les mairies, ou directement sur Internet pour la météo, vous avez toutes les infos. Tous vos petits messages sur la page Facebook Studek Web, on vous attend. Studek Web, les infos. 17h20 sur Studek Web, on s'informe avec vous, Daniel Giacomella. Bonsoir à tous. Effondrement de deux bâtiments à Marseille ce matin. Les secours ont commencé à rechercher d'éventuelles victimes sous les décombres. Ce qui compte, c'est qu'on trouve le moins de morts possible, mais nous pensons qu'il y en aura, a prévenu le maire LR de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Pour l'heure, deux blessés légers sont recensés, 85 marins-pompiers et deux équipes cynotechniques sont mobilisées. La plateforme citoyenne lancée fin mai par le gouvernement sur sa réforme des retraites a récolté plus de 35 000 contributions et 230 000 votes en ligne, selon un communiqué de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Parmi les thèmes les plus débattus figurent l'universalité du futur système des retraites, les conditions de départ et la pension de réversion. Le gouvernement peine à éteindre l'incendie suscité par la flambée des prix à la pompe. Désormais, il n'écarte plus des mesures pour atténuer la hausse des taxes sur laquelle se concentre la colère des Français. « Je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail », a déclaré Emmanuel Macron, en ouvrant toutefois la voie à un accompagnement de l'État. Ainsi, la région Hauts-de-France a proposé une aide au transport pour ceux qui ont plus de 30 km par jour de déplacement. Leclerc et Carrefour ont par ailleurs annoncé vendre le carburant à prix coûtant ce mois-ci, entendant bien tirer profit de la situation. Celui qui tire la croissance, c'est le consommateur. Aujourd'hui, cette grogne est légitime, a déclaré le président de Leclerc dans la matinale de France Info. Emmanuel Macron en est à son deuxième jour du long périple des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Lors d'une cérémonie solennelle, le chef de l'État s'est recueilli devant le monument dédié aux soldats tombés glorieusement dès le début de la guerre au mois d'août 1914. Le président est encore attendu dans 9 départements les 4 prochains jours. Un gendarme de la garde républicaine a été retrouvé mort ce matin dans les jardins de Matignon. La thèse du suicide est privilégiée. Le corps du gendarme de 45 ans a été découvert aux alentours de 9h30 avec son arme de service à ses côtés. Informé de l'événement, le Premier ministre a adressé à la famille du défunt ses condoléances ainsi que son soutien aux camarades du gendarme et à l'ensemble du personnel de Matignon. International à présent, au Cameroun, 82 personnes, dont 79 élèves, ont été enlevées dans la région nord-ouest du pays. La zone est en proie à un conflit armé entre les séparatistes qui réclament l'indépendance des zones anglophones et les forces de sécurité camerounaises. Et enfin, météo. Aujourd'hui, retour des douceurs et du soleil sur une grande partie du territoire. Seules les côtes sud-est et ouest sont en proie à la grisaille et aux averses. Côté température, la tendance générale est entre 13 et 19 degrés avec 17 à Paris, 11 à Strasbourg, 13 à Brest, 16 à Bordeaux et Toulouse et 17 à Marseille. C'est la fin de ce flash. Retrouvez le drive présenté par Rémi Farré. Merci Daniel. Du côté de la route, on retrouve toutes les précisions de Thomas Sellière. Studec, l'infotrafic. Et alors en ce moment même, on a 223 km de bouchons autour de Paris. Il est 17h20, on est en ce moment même sur la carte réelle de Citadins. Il y a des travaux sur la 15 qui rajouteront environ 15 minutes entre Cergy et la 86. On ajoute un accident sur la 86 entre Gennevilliers et Nanterre qui vient tout juste d'arriver. Les bouchons commencent à arriver autour de Paris. On vous propose d'autres itinéraires pour rejoindre l'enceinte de la capitale. Si vous venez du sud-ouest, la N118 et la 13 sont préférables. Et si vous venez du nord-est, la N104 et la 1 seront votre meilleur choix. Un petit tour de ce qui se passe sur la RATP. Le trafic de tous les RER est globalement normal. Pareil pour les métros ainsi que les transiliens et les tramways. Du côté de la SNCF, la ligne J entre Conflans-Sainte-Honorine et Mantes-la-Jolie, ainsi qu'entre Mantes-la-Jolie et les Mureaux, sont interrompues tous les lundis jusqu'au 12 novembre. Merci Thomas, notez que l'infotrafic revient d'ici moins de 10 minutes et le prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 17h40. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studek Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Vous venez de nous rejoindre, vous tombez bien, Romain vous rappelle en quoi consiste le jeu de la marche arrière. Et oui, exactement. Alors pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, je vais réexpliquer le principe. Vous avez vu, hein, je suis sympa, hein, j'arrête en cours de jeu pour expliquer les règles. On dirait une partie de Monopoly avec mes cousins. Mais enfin bref, le but est de retrouver une année précise grâce aux indices que je vous donnerai tout au long de l'émission. Le premier indice, c'était ça. Comment ça marche ce matériel de merde? Il s'agit d'un extrait du film d'Inspecteur la Bavure. Et pour ce qui est du deuxième indice, attention, écoutez bien. Cette année-là est mort, assassiné, John Lennon, membre des Beatles. J'espère que ces deux indices vous mettront sur la piste. Le premier, la sortie du film d'Inspecteur la Bavure, et le second, l'assassinat de John Lennon. Et puis si vous n'avez pas la réponse, pas de souci, je vous donnerai un troisième indice dans moins de 10 minutes. Et ceux qui ont une grande culture et qui auraient trouvé la réponse, il suffit de nous donner votre numéro de téléphone par message privé sur la page Facebook Studegweb. Et l'un d'entre vous aura la chance de donner sa réponse à l'antenne et qui sait, repartira avec un pack Studegweb et une visite des locaux. Nous en sommes déjà à deux indices. Le premier est un extrait du film Inspecteur la Bavure et le deuxième, la mort de John Lennon. À vous maintenant de travailler vos méninges pour trouver l'année que nous recherchons. Bonne chance à tous. Vous avez le temps de la chanson Babene de l'Algerino pour vous remémorer ces deux indices qui sont déjà en votre possession. J'ai grandi dans le blanc, j'ai connu la crise. M'appelle pas le sang, non, ne me fais pas la bise. Marseille, quartier nord, c'est devenu Cali. Pain dans les poches, Martavé devant la vie. Tu veux la money, money, mais faut les billets. Cagoule et ganté, je vais tous les faire chanter. La la la, oui je vis. T'es fait en double fil, je fais bugger le taxi. Ah oui, ah oui, va venir ma belle là. Tu es à Marseille dans ma favela. La la la la, va venir ma belle là. Je la fais danser la macarena. Je suis un phénomène, elle est pleine de manie. Elle fait la difficile, je suis loin d'être agile. Je suis calé dans le club, mon pote, je me finis. Chez moi les fonds cavalés, eh. Lamborghini Gallardo, j'bois une petite Mantaro. Ah, tu m'as vu à la télé, Gianni Versace, tu me reconnais ma chérie. J'suis dans mon bolide, ça bombarde sur la route, le soleil est torride. Le compte est chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille c'est la folie. Ah oui, ah oui, va venir ma belle. Fous le compte de ta rave. HLM au bord de la mer. Tu es en buvette, j'accélère. Qu'est-ce que tu veux que je dise aux minots, hein? Sont tous devenus parano. Ma chérie, je suis dans mon bolide. Ça bombarde sur la route, le soleil est torride. Le compte est chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille, c'est la folie. Ah oui, ah oui, va venir ma belle. La la la. Marseille, représenté à l'instant avec Babene, Todo Babene, l'Algerino, la suite de votre programme dans le GPS. C'est sans plus tarder, dans deux minutes, un coup d'œil sur la route. Est-ce que ça coince ou bien est-ce que c'est plutôt fluide? Notre confrère Thomas Sellière vous dira tout. Et puis dans les prochaines minutes, Romain, lui, vous dévoilera un troisième indice, histoire de vous aider encore un petit peu, même si vous devriez déjà être sur la piste. Si entre-temps, vous vous êtes un petit peu perdu, Romain vous rafraîchira aussi la mémoire. Quant à Dov, il est déjà en train de s'acharner sur la boîte à gants. Comment ça, la boîte à gants? Bah oui, là où on entrepose des tas de choses qui nous encombrent sur le moment dans la voiture. Mais c'est que par la suite, à l'intérieur, on y trouve quand même des trucs très intéressants. Et celui qui est chargé de fouiller, de fouiner dans la sienne, c'est Dov. Le GPS, c'est aussi vos messages sur la page Facebook de Studecweb où Julien nous dit un indice de plus et j'ai la bonne réponse. Julien, le troisième indice, c'est dans moins de 5 minutes. Bonne chance. Si on parle de chance, Studecweb vous gâte au quotidien avec ses nombreux programmes et l'heure média du lundi au jeudi de 16h à 17h où toute l'équipe de Romain vous donne à connaître l'actu média, les audiences, les animateurs, vous offre une bonne dose de musique, de trafic et même des idées pour votre programme télé du soir. L'heure média, c'est votre rendez-vous 100% média sur Studek Web de 16h à 17h. Le GPS jusqu'à 18h avec vous dans quelques instants. On fait le point sur la route. Et puis le jeu de la marche arrière. Et oui, exactement. On en est à combien d'indices ? Là, on en est à deux indices. Le troisième, dans moins de 5 minutes maintenant. Un indice sonore. Un indice sonore, exactement. Le premier est un indice sonore aussi. Le second est un indice parlé, c'est ça ? Exactement. Le troisième indice, dans quelques instants. Dans quelques instants, le troisième indice du jeu de la marche arrière. Studek, l'infotrafic. Studek Web, 17h30, ça roule comment ? On voit ça avec vous, Thomas Sellier. Eh bien, ça commence à rouler mal, hein. 17h30, on en est à 231 km de bouchons en Ile-de-France. La circulation est extrêmement difficile sur l'A4 entre Saint-Maurice et Porte de Bercy. Elle est également très difficile sur l'A3 entre Bondy et Porte de Bagnolet. Toujours des travaux sur l'A15 qui rajouteront environ une quinzaine de minutes entre Cergy et l'A86. On ajoute un accident sur l'A86 entre Gennevilliers et Nanterre, qui vient tout juste d'arriver. Les bouchons continuent autour de Paris. On vous propose d'autres itinéraires pour rejoindre l'enceinte de cette capitale. Si vous venez du sud-ouest, la N118 et la 13 sont recommandées. Et si vous venez du nord-est, la N104 ainsi que la 1 seront votre meilleur choix. La RATP, toujours rien à dire pour l'instant. Le RER A, B, C et même D, le trafic est globalement normal. Je rappelle juste que sur le RER C, l'arrêt du pont de l'Alma est fermé jusqu'au 25 août 2019. Pour la SNCF, rien à signaler non plus, seulement la ligne J qui sera fermée entre Conflans-Sainte-Honorine et Mantes-la-Jolie jusqu'au 12 novembre. Merci Thomas, prochain point circulation dans moins de 10 minutes. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête ? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Circulez. Qui de mieux que Dove, Rémi et Romain pour te raccompagner chez toi ? Du lundi au jeudi de 17h à 18h, tout roule dans le GPS sur Studek Web. 17h31, vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus dans le GPS, le Grand Prime Studek jusqu'à 18h avec Romain qui vous fait jouer à notre jeu de la marche arrière. Combien d'indices pour l'instant on a dit ? Deux indices déjà donnés. Écoutez bien, parce que le troisième va bientôt arriver. Julien qui nous a écrit sur la page Facebook, le troisième indice dans quelques minutes. Et puis Dove qui a sorti quelque chose de sa boîte à gants. Mais quoi ? La réponse dans seulement 5 minutes. Vous le savez, on fait la route ensemble, puis pour vous aussi, de la musique. Cette nouveauté Bella de MHD et peu avant 18h, on va se faire plaisir. Je marche seul dans les rues qui se tordent et la nuit me pardonne, je marche seul. Ah oui, ça c'est bon, c'est un classique de Jean-Jacques Goldman, Je marche seul. Pas mal le programme, hein, d'autant que vous pouvez réagir à l'émission sur la page Facebook Studek Web en commentant et partageant aussi, pourquoi pas, vos idées de sortie pour la soirée, même des infos pratiques. Tout ça nous intéresse, on est preneurs, restez bien avec nous. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. La marche arrière sur Studek Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier, cette histoire. Vous l'attendiez, il est de retour. Moi ? Ah non, je parlais du jeu de la marche arrière. Ah, bon, pas grave, je t'en veux pas. Je sais qu'ils attendent le troisième indice avec impatience de toute façon, donc on va pas perdre de temps. Nous recherchons une année, enfin surtout vous, et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est marquée par la sortie d'un jeu interplanétaire, encore aujourd'hui. Le bruit et la musique va sûrement vous rappeler des souvenirs. Écoutez. Comment ça marche ce matériel de merde ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? Ils vont repérer. Qu'est-ce que je peux faire ? Ils viennent vers moi, Vatrin. Ils me regardent. Hey, c'est des gros, ils sont énormes. Je sais pas quoi faire, moi, je peux pas les arrêter, j'ai pas assez de menottes. Clément, parlez Clément. Précisez votre position. Côté du fleu, sur le. Où y a, à la place où il y avait Napoléon. Il s'agissait du premier indice qu'on a donné tout à l'heure. C'était un extrait du film Inspecteur La Bavure. Le troisième indice, je vous rappelle, c'était un jeu, je vous disais, qui était interplanétaire, même encore aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous y jouaient notamment au bar. Il s'agit du jeu Pac-Man. Alors, en quelle année est sorti ce jeu? Ah, mystère. En attendant, si vous pensez avoir la réponse, excusez-moi, j'attends vos réponses. Je vais vous rappeler hein, les indices précédents. On avait un extrait du film Inspecteur la Bavure et puis l'assassinat de John Lennon. Donc envoyez votre numéro de téléphone en message privé sur la page Facebook Studek Web et vous serez peut-être sélectionné pour nous donner votre réponse en direct. Et vous pourrez repartir avec votre pack Studek Web et la possibilité de visiter les locaux. Alors bonne chance à tous. Dans quelques minutes, le dernier indice vous sera donné pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé la bonne année. Studek Web. Une radio Studek. Du qui Studek Web. Ah, c'est le bazar là-dedans. Peut-être engin un jour. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. La boîte à gants, c'est sur Studek Web. Le froid est arrivé, il est parmi nous. Octobre a laissé place à novembre. Et Dove, tu as quelques petits conseils pour nous. J'en ai quelques-uns. Effectivement, en fouillant dans ma boîte à gants, encore une fois, j'ai trouvé, tenez-vous bien, un gant. C'est une première. La semaine dernière, j'avais trouvé un Mars. Là, c'est différent. Ça me fait penser que lorsqu'il fait froid, on aime bien rester au chaud chez soi. Mais attention à ne pas surchauffer votre maison ou votre appartement. Déjà, la chaleur a un impact négatif sur la circulation du sang. Elle nuit au sommeil. On monte le chauffage au maximum et on entasse 10 couvertures au-dessus de sa tête. C'est pas conseillé, sauf si vous voulez vous étouffer. En plus de ça, il y a une trop grande différence de température entre chez vous et l'extérieur, sera difficile à encaisser pour votre corps et vous aurez toujours plus froid. C'est ce qu'on appelle le coup de froid. Vous avez mal à la gorge, vous toussez et vous avez toujours froid même avec 3 manteaux en intérieur. En plus, c'est mieux pour l'environnement et pour votre portefeuille. Il est d'ailleurs préconisé d'avoir une température de 19 degrés dans les pièces des maisons et autres appartements. Pensez aussi à aérer votre logement, idéalement au moins 10 minutes le matin et le soir. Ça évite les acariens dans les draps et on se sent bien mieux. Pour passer un bon hiver, il faut aussi adapter son alimentation et pas forcément de la façon dont vous pouvez vous imaginer. On se promène souvent dans les rues, on voit des fast-food et autres kebabs. On se dit « tiens, ça me réchaufferait », mais en fait, pas du tout. Contrairement à ce que l'on pense, les produits gras ne tiennent pas chaud. Il faut même les éviter et privilégier les boissons chaudes, les soupes, le fameux chocolat chaud que ta grand-mère te fait au goûter. C'est une merveille tous les week-ends. Les fruits et légumes contenant de la vitamine C aussi, c'est conseillé. Les oranges, les navets, les poivrons, par exemple, dans les soupes. Justement, des protéines qui augmentent la température du corps, les féculents, les épices qui favorisent la circulation du sang et réchauffent les bronches, parfait quand on a un rhume. Pour éviter le rhume, justement, plutôt que d'augmenter le chauffage, misez sur les bons vêtements. Il vaut mieux avoir plusieurs couches qu'une seule très épaisse, ça garde mieux la chaleur et surtout on peut changer le nombre de vêtements en fonction des changements de température. Vous êtes dehors, il fait moins 10 degrés, vous avez 3 pulls et un manteau, bim, vous rentrez dans votre bureau, il fait 19 degrés, hop, on enlève le manteau, on enlève le petit pull, 2 t-shirts, c'est parfait. Vous trouverez en grande surface ou sur internet des tissus dits anti-froid, comme la polaire qui sont bien plus efficaces qu'un simple pull en laine. D'ailleurs, vous aurez plus chaud avec des vêtements qui ne vous servent pas trop. L'endroit le plus important à protéger est le torse. Ça va être un peu technique, mais en cas de température froide, les vaisseaux sanguins des bras et des jambes se contractent et le sang se rend directement dans le torse. Si vous êtes médecin, vous m'avez certainement compris. Le point le plus important selon moi, et ce malgré que je ne sois pas le plus sportif des hommes, Le point le plus important selon moi, et ce malgré que je ne sois pas le plus sportif des hommes, c'est... Excusez-moi. L'hiver est souvent l'occasion de faire moins de sport. Il pleut, il fait nuit beaucoup plus tôt, il fait froid, tout ça nous décourage et on arrête les balades à vélo, on marche le moins possible et on dit non aux parties de foot. C'est pas bien du tout, le sport nous permet d'améliorer sa condition et on est plus résistant face au froid. Alors un petit conseil, allez prendre un peu l'air, marchez tranquillement ou inscrivez-vous à la salle de sport. Le tout c'est de bouger et de ne pas rester bloqué au fond de son lit, sinon on est tous pareils, hein. C'est le chauffage à fond, les 10 couvertures au-dessus de sa tête et les acariens qui envahissent le lit. Alors moi je voudrais savoir si vous avez des techniques particulières pour lutter contre le froid. Romain, t'es breton, c'est quoi ton remède miracle? Bah après moi c'est vrai que comme je suis breton, bah dès ma naissance je suis tout de suite, comment on peut le dire, Résistant au froid. Tu peux le dire, t'es résistant au froid? Voilà, je suis résistant, ouais. Rémi, t'es catalan, tu résistes un peu moins? Moi pas du tout. Je suis quasiment tout le temps malade. Toujours. Surtout ici à Paris. C'est pas évident de s'habituer au climat. Si on a moins de neige aujourd'hui, je vais m'adresser au journaliste maintenant qui connaît bien le temps. Est-ce que le temps va durer malheureusement? C'est dur à dire, mais honnêtement, moi personnellement, j'espère qu'il y aura de la neige cette année. J'espère, bon. Je l'attends. On fera avec alors. Bon, on suivra tous tes conseils à la lettre cette année. j'attrape moins de 10 rhumes hein, cette année. J'espère. C'est comme ça. Allez. Hello les gars, parlons sérieux, parlons culture, mais pas de culture has-been et surtout pas de boring ici, de la culture complètement borderline. Rejoins Anto, Mona et Hugo pour une émission vraiment perchée de 15h à 16h sur Studek Web. Mona se fera une joie d'expliquer d'où vient l'expression urbaine beurette et on fera le plein de musique avec pas mal de nouveautés cette semaine et on fera bien sûr le point sur les spectacles à venir. Alors je vois que sur la page Facebook de Studek Web, vous pouvez aller vous aussi commenter. Bah il y en a des comme moi, hein. Ils sont tout le temps malades, toute l'année. Vous non, vous jamais, vous... Jamais, vous c'est vraiment pas prévu d'être malade. Aujourd'hui, je suis les conseils là. C'est moi qui ai la poisse en fait. Oui, certainement. Catalan, t'es habitué à la chaleur. C'est gentil, merci. À 17h40, voici les titres qui seront développés tout à l'heure dans Studek Soir. De la cité phocéenne. Dans l'état actuel des choses, il est impossible de connaître le nombre de victimes, un troisième immeuble menaçant également de s'effondrer. Si l'un de ces bâtiments était fermé pour péril, le deuxième était bien habité. Certains autres immeubles ont été évacués, la population accueillie, comme l'explique la maire du premier arrondissement sur BFM TV. Des immeubles mitoyens vont devoir être évacués et donc nous allons ouvrir la mairie de secteur pour accueillir et informer bien évidemment toutes les personnes qui aujourd'hui ne pourront pas rentrer dans leur logement et qui vont devoir bénéficier d'une assistance, d'un accompagnement et bien sûr d'un peu de réconfort aussi. Pour l'instant, les causes de cet effondrement sont inconnues. Tous les détails et les dernières informations dans le journal avec Kathleen Bensaada. Dans l'actualité du jour également, la grogne contre la hausse des prix du carburant qui s'intensifie. Alors que le pays organise un blocage national le samedi 17 novembre, Emmanuel Macron a confirmé son intention d'augmenter les taxes. De l'autre côté, Carrefour et Leclerc ont annoncé leur intention de vendre l'essence et le diesel à prix coûtant, c'est-à-dire au prix d'achat sur l'ensemble du mois de novembre pour Leclerc et jusqu'au 17 pour Carrefour. Le tour de l'actualité sur le sujet vous sera proposé par Luna Padoan. L'actualité politique du jour, c'est le déplacement du président Emmanuel Macron. Toute la semaine, le chef de l'État suivra le chemin de la Grande Guerre de Strasbourg à Paris pour les commémorations du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Un déplacement historique, mais également politique. Le président en profite pour tenter de remonter sa cote de popularité au plus bas selon les derniers sondages. Valentin Pat vous donnera tous les détails de son déplacement ainsi que ses enjeux. Et enfin, à l'international, aujourd'hui s'ouvre aux États-Unis le procès de Joaquin Guzman, dit El Chapo. Le narcotrafiquant est notamment connu pour s'être évadé à deux reprises. Ce procès est placé sous très haute sécurité, à huis clos, et le nom des jurés est tenu secret. Yoann Bredov vous dressera le portrait de celui qui est qualifié de plus grand parrain de la drogue par l'administration pour le contrôle des drogues aux États-Unis. Merci, voilà pour les titres. On s'intéresse à présent à la route Thomas Hélière. Studek, l'infotrafic. Et sur l'infotrafic, on est toujours des bouchons, toujours plus de bouchons. 260 km de bouchons en Ile-de-France. Pour le moment, l'ouest parisien reste globalement épargné. Il y a toujours un accident sur la 86 entre Cergy et le début de la 86, justement, qui rajouteront environ 15 minutes aux gens qui l'emprunteront. On est maintenant à de la circulation difficile, toujours sur la 3 entre Bondy et Porte de Bagnolet, également sur la 4 entre Saint-Maurice et Porte de Bercy. On va vous proposer quelques petits itinéraires différents pour rejoindre l'enceinte de la capitale, notamment si vous venez du sud-ouest, la N118 et la 13 sont recommandées pour vous, et si vous venez du nord-est, c'est la N104 et la 1 qui seront votre meilleur choix. Pour les prévisions de la RATP ce soir, le trafic de tous les RER est globalement normal, seul le RER C a un arrêt qui est fermé jusqu'au 25 août 2019, c'est le pont de l'Alma que vous ne pourrez pas emprunter. Pour le reste des transports en commun, tramway et métro, pas de perturbation à annoncer. Du côté de la SNCF, la ligne J entre Conflans, Sainte-Honorine et Mantes-la-Jolie sera interrompue tous les lundis jusqu'au 12 novembre et un bus sera bien entendu mis en place pour le remplacer. Merci Thomas pour tous ces détails concernant la circulation. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. La marche arrière sur Studek Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Allez, dernière ligne droite pour emporter votre pack Studek Web. Romain va vous donner un dernier indice. Et oui, et puis je tiens à rappeler que les retardataires peuvent également jouer. Hein. C'est pas comme à l'école, pour ceux qui viennent d'arriver, je réexplique. Il faut que vous retrouviez une année bien précise grâce aux indices que je vous ai donnés précédemment, comme celui-là. comment ça marche ce matériel de merde? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Regarde vers moi, patron. Ils m'ont repéré. Qu'est-ce que je peux faire? Ils viennent vers moi, Vatrin. Ils me regardent. Mais ils sont, c'est des gros, il y a que des gros. Ils sont énormes. Je sais pas quoi faire, moi. Je peux pas les arrêter, j'ai pas assez de menottes. Clément, dans l'église, précisez votre position. Côté du fleu, sur le, où y a, à la place où il y avait Napoléon. Durant l'année que nous recherchons, il y a eu l'assassinat de John Lennon et puis la sortie du jeu vidéo Pac-Man. Et puis alors, attention, ouvrez bien vos oreilles, concentrez-vous, voici le dernier indice. Cette année-là a été créée une émission de télé qui a marqué cette décennie. Il s'agit de la première diffusion de Avis de Recherche, présentée par Patrick Sabatier. L'émission reviendra sur vos écrans dans quelques temps, nous avait dit Sabatier. Alors, hâte de retrouver ça et hâte également de vous voir trouver la réponse, avoir un doux à l'antenne. Envoyez-nous votre numéro de téléphone par message privé sur le Facebook Sudeg Web. Et pendant que vous le faites, voici les Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine, je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Eh, hey, hey, ma bella, eh, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe. Eh, hey, ma bella, eh, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, aïe, aïe, aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl so sexy, the way she dance so sexy. So she give me love sexy, you making me once more sexy, yeah. With your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Ay, ay, ay, ay. Make me my yade go, baby girl, so. Drop all my money. Aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe. Eh, ma bella, eh. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. MHD, Bella sur Studek Web. Mesdames et messieurs, bienvenue au sein de notre compagnie GPS Airlines. Je serai votre commandant de bord pour ce voyage au bout du monde. Mon équipage et moi-même vous souhaitons un agréable vol. Laissez-vous driver. 24 heures dans le monde, la parenthèse enchantée sur Studek Web. Thomas Sellière vous propose maintenant un tour du monde des infos insolites. Eh oui, ho ho ho, plus qu'un mois et demi avant Noël. Eh oui, l'hiver approche à grands pas et tout le monde commence à se préparer pour les grandes fêtes de fin d'année, mais également contre les maladies hivernales qui reviennent chaque année. La grippe par exemple, tous les ans des millions de personnes se font vacciner contre ce virus. Même le Père Noël. Et oui, notre bon Papa Noël qui vit accompagné de ses petits lutins en Laponie, dans le nord de la Finlande, se fait vacciner contre la grippe. C'est selon lui une démarche obligatoire car la saison de la grippe est la plus chargée de l'année. Plus de 400 000 visiteurs chaque Noël, il lui faut bien garder la forme pour contenter les enfants du monde entier. Vous pourrez donc retrouver le vrai Père Noël, paraît-il, dans le village de Rovaniemi en Laponie. Vrai Père Noël ou pas, en tout cas Groenland, Suède et Finlande se battent pour savoir lequel est le véritable Père Noël. Ah Noël, ces chansons connues de tous qui nous rappellent notre enfance, du foie gras, du saumon fumé et bien d'autres mets. Des mets comme le fromage, et justement en parlant de fromage, un fromage de Berne en Suisse a décidé de tenter une expérience pour adoucir votre fromage. Et oui, tout à fait Rémi, cette année vous aurez peut-être l'occasion de déguster du délicieux Emmental suisse maturé au Mozart, Led Zeppelin ou même à de la techno. Et oui, il paraît que la musique adoucit les mœurs, en tout cas c'est ce que croit Bette Wampler, fromager suisse qui tente l'expérience de maturer ses fromages avec de la musique. Une expérience qui pourrait paraître un peu folle, mais la musique aurait déjà prouvé ses vertus pour la floraison. floraison de certaines fleurs ou même quant à l'élevage de certaines bêtes. Alors pour cette expérience, ce sont 4 meules d'une quarantaine de centimètres de diamètre qui vont être comparées. Une meule référence pour comparer, une autre sera maturée au doux son de la flûte enchantée de Mozart par exemple, la troisième meule ce sera sur un son inoubliable du guitariste Jimmy Page de Led Zeppelin, et enfin la dernière aura l'occasion de danser All Night Long avec une playlist techno. Mais pour déguster ces fromages qui ont le rythme dans la croûte, il faudra attendre quelques mois, le temps que le fromage s'affine et soit prêt à déguster. Pour vous préparer à tout ça, au repas au prix exorbitant, et si vous manquez un petit peu d'argent, ou si vous en avez tout simplement marre de votre boulot et que vous souhaitez changer de voie en gagnant de l'argent, c'est possible. Eh oui, tout à fait Rémi. Vous adorez les animaux de compagnie et vous avez besoin d'argent, ne cherchez plus, voici le job de vos rêves. Le restaurant américain Mutz Canteen Cantina recrute des caresseurs pour s'occuper des chiens des clients de ce restaurant sur le thème de l'amitié entre les animaux et les hommes. Sur le papier comme ça, on pourrait se dire que le travail est loin d'être un job de rêve. Eh bien, attendez de connaître la paye, $100 de l'heure. En se basant sur 35 heures par semaine, on s'approche des $15,000 par mois, sans compter les pourboires. Un job plus que bien payé compte tenu du travail à faire. Câliner des chiens tout au long de la journée, leur donner à manger et tout simplement les chouchouter. Selon le gérant de l'endroit, il est important de se rappeler que les chiens ont eux aussi le droit à leur petite dose de luxe. Merci Thomas. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studek Web. On va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Le jeu de la marche arrière, vous disposez de 4 indices que Romain va vous rappeler dans un instant, et le ou la plus rapide à nous avoir passé un coup de fil, c'est Julien. Bonjour Julien. Salut l'équipe, salut tout le monde. Salut, bienvenue, tu nous appelles d'où? Alors moi je vous appelle de Limoges. Très bien, on est en région Nouvelle-Aquitaine, dans c'est la Haute-Vienne. Alors Julien, t'es avec nous pour jouer cet après-midi, pour partir avec, en cette fin d'après-midi plutôt, vu qu'il est déjà bien 17h passé, pour repartir avec un pack sur les web et une visite des studios. J'ai donné 4 indices tout à l'heure à l'antenne, j'espère pour toi que t'as trouvé l'année recherchée. Ouais. Je vais te redonner les indices au cas où, t'es prêt? Je t'écoute. C'est parti. En premier, nous avions la réplique d'un film sorti cette année-là. Comment ça marche ce matériel de merde? Qu'est-ce que tu te prends là? Ils viennent vers moi, Vatrin. Ils me regardent. Mais ils sont, c'est des gros, il y a que des gros. Ils sont énormes. Je sais pas quoi faire, moi. Je peux pas les arrêter. J'ai pas assez de menottes. Je vais voir. Dans l'écran. Précisez votre position. Côté du fleu, sur le, où il, à la place où il y avait Napoléon. Il s'agit également de l'année durant laquelle John Lennon a été assassiné, et c'est également la sortie du jeu Pac-Man. Alors penses-tu avoir trouvé? Alors moi je pense, alors c'était plus l'assassinat de John Lennon qui m'avait mis sur la piste, je pense que c'était 1980. 1980, est-ce que j'ai bien entendu Rémi? On a très très bien entendu, et c'est gagné Julien. Allez, bravo, tu repars avec ton pack Studek Web, yes. Oui on peut l'applaudir, oui quand même. Et une visite des locaux. Ah merci. Heureux Julien. Ah merci, super, c'est trop cool l'équipe, merci, continuez comme ça. Merci à toi, merci de ta fidélité, à bientôt. Merci, salut l'équipe, salut tout le monde. Ciao Julien. Le jeu de la marche arrière revient évidemment demain entre 17h et 18h dans le GPS de Studek Web. No dark sarcasm in the classroom. Floyd à 17h54 sur Studek Web. Vous êtes arrivé à destination. Ah bon, mais c'est une intersection là, je fais quoi, droite ou gauche? À gauche. À droite. Oh mais faites demi-tour, débrouillez-vous, à la base je voulais être chanteuse moi. Bon, c'est pas grave, laisse tomber, on va jouer plus tôt. L'intersection sur Studek Web. Le GPS vous accompagne jusqu'à 18h et ce que je vous propose maintenant, c'est un jeu, un quiz de culture générale plus précisément, mais un petit peu particulier. Je m'explique. Vous allez assister en direct à une véritable battle entre deux animateurs et un journaliste. Là, vous me direz, mais pourquoi deux contre un? Oui, parce que nous estimons que le journaliste, Thomas, se tient bien plus au fait de l'actu et qu'il est plus documenté que nos animateurs. Bon, ça, c'est la théorie. Qu'en est-il dans la pratique? On va bientôt le savoir. À ma droite, Thomas, notre journaliste, et à ma gauche, nos deux animateurs, Dove et Romain, vous êtes prêts? Ah, totalement chaud, prêt. Bouillant. Première voilà, question, c'est... comment s'appelle notre ministre de l'agriculture actuel? Ministre de l'agriculture... Monsieur Maïs. Monsieur Maïs, non. Oh, je devrais savoir ça. Alors, il est en fonction depuis le 16 octobre dernier. Ah ouais, C'est récent. Ah oui, très très récent, oui. Oh, je devrais tellement le savoir. Mais c'est vrai que l'agriculture, moi, ça me vient pas. Notre journaliste non plus. Je vais les laisser débattre un petit peu. Non, là, c'est vrai que personne. J'ai pas d'idée. Non. Aucune idée, vas-y, lance la réponse. Didier Guillaume. Évidemment. Ah, évidemment, enfin, messieurs. Deuxième question. Non, on devra le savoir. Revenons sur la dernière réforme territoriale en France et sur le nombre de régions que compte maintenant notre pays. Une petite idée? C'est pas 14? 16? Alors, on n'est pas très loin. 12? 15? 13? 13. 13 régions. Ah, région PACA, les amis. Ah, la Bretagne. Un point donc pour nos animateurs. Oui, contre 22 régions. Hein, à l'époque, avant la réforme du 1er janvier 2016, la France comptait 22 régions contre 13 aujourd'hui. Troisième question, la dernière. L'argent de poche. D'après vous, combien d'argent de poche donnent en moyenne les Français par semaine à leurs enfants? Je dirais 5 euros. Je dirais 20. Moi, je dis que c'est en moyenne. Je dirais 20 par semaine. 4 euros en par moyenne, semaine. Ouais. 4 euros par semaine. Ah, par semaine, non, oui, c'est vrai. Un petit par peu semaine, plus. 20, 10, c'est chaud. 10. En dessous. 8. 7. 7. On est entre 6, 7, entre 7 6, et 84. 8. Entre 7 et 8. 7,50. Un peu plus. 7,90. 7,70. Un peu plus. 7,75. 7,92. Personne n'a dit 7,83. Oh, yo, c'est trop précis, ça. Donc, c'est un point pour nos animateurs. Félicitations, parce qu'il faut le reconnaître, ce n'était pas si évident. Nous vous remercions d'avoir joué et commenté avec nous cette émission. Le GPS vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain à la même heure de 17h à 18h. Romain, Dove, le temps est passé bien vite. Merci oui, beaucoup je trouve à aussi. Tous les deux. Merci aussi à Thomas, notre confrère de la rédaction, et aux équipes techniques, la musique. Comme promis, vous adorez, j'en suis sûr. Je marche seul, Jean-Jacques Goldman sur Sud Equal. Ciao, ciao les amis. Ciao.